Chez les scientifiques, certes, de manière générale, la majeure partie du vocabulaire technique vient du grec. Biologie, physique, zoologie, etc. Et vous savez sans doute que ce sont les scientifiques aujourd'hui qui utilisent le plus souvent l'alphabet grec. Mais le mot « science » vient tout droit du latin « scientia »,« scientia ». De plus, dès 146 avant notre ère, la Grèce passe sous domination romaine et de nombreux mots grecs sont alors latinisés. Mais, sous le masque latin en « ous », il nous est facile de reconnaître l'original en « os ». Mathematicos, devenu mathematicus. Physicos, devenu physicus, etc. Et si nous avons vu que le latin, légué pour l'Empire romain, était considéré comme la reine des langues, c'est qu'il était la langue culturelle et scientifique de toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle, et qu'il facilitait le contact entre savants de tout pays. C'est, en effet, par le latin, que depuis le XIe siècle, les connaissances scientifiques arabes avaient été introduites en Europe. Et de glorieux exemples, scientifiques ou autres, ont suivi. Le Hollandais Erasme, né à Rotterdam en 1467 et mort à Bâle en 1536, a rédigé en latin quantité d'ouvrages lus dans toute l'Europe. Et c'est son nom latin, Erasmus, qui s'applique aujourd'hui à tous les échanges d'étudiants à l'intérieur de l'Europe. Le Polonais Copernic, au XVIe siècle, a été le premier astronome à défendre l'hypothèse selon laquelle notre Terre et les autres planètes tournent autour de ce Soleil. Et c'est en latin qu'il défendit cette hypothèse. En latin toujours, au début du VIIe siècle, l'Allemand Kepler et l'Italien Galilée défendirent la même hypothèse que Copernic, de même que l'Anglais Newton à la fin de ce XVIIe siècle. Et au XIXe siècle, lorsqu'un astronome découvrait une nouvelle planète, il lui donnait le nom latin de sa ville. Ainsi, après Massalia, Marseille, et Lutetia, Paris, en 1852, un immois baptisa sa découverte Nemosa, qui servit de titre à un ouvrage publié en 2013. Avant et après son fameux discours sur la méthode, introduction à trois traités scientifiques, Descartes écrivit de nombreux ouvrages en latin. Même si ce discours fut publié en français anonymement en 1637, tout le monde connaît et l'a parfois déformé à sa manière la formule en latin de Descartes lui-même. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Cogito ergo sum, ainsi formulé 4 ans plus tard dans ses Principes de philosophie. À la fin du VIIe siècle, à Londres, l'Anglais Newton publiait en latin ses Principia Mathematica, titre dont la traduction ne vous échappera pas. À la même époque, le philosophe et savant allemand Leibniz a rédigé de nombreux ouvrages en latin, notamment son Traité de l'art combinatoire pour résoudre des équations. Au XVIIIe siècle, le naturaliste suédois Charles Linné inventa, avec deux termes latins, un classement binominal des animaux et des plantes, et ce classement fait autorité encore aujourd'hui. De ce fait, chez les botanistes, toute la terminologie est encore en latin. Et jusqu'en 2012, toutes les publications étaient rédigées en latin. Mais, depuis cette date, l'anglais y a fait son apparition. Et en 1956, c'est encore en latin que le physicien italien Filippo Soccorsi a publié son De Physica Quantica sur la physique quantique.